with his John Z. Drinking on sir, can't sleep. Can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Can't sleep. Real cheap, codeine got me on the low in the creek. Smoked out riding with Uzi in the Jeep. Buffet boys with the suicide, know that we drugging. Look at my face, bitch, I'm numb, can't feel nothing. Still in they place and they got y'all all bugging. You won't say no names, but who else you see buzzing? Just me and my cousin stay bustin' and cutting these motherfuckers. Only nothing and puffin'. Let's see how it's jumpin' when we up in public. Don't bring a thought with me, cause then I'll start up and the blood will start gushing. All because of your front. 5150, bitch, I don't do bluffing. Oh, won't let me go to sleep. Drowning in sleeping pills covered in ashes. Riding up Paris since I've never met. Ready to die, bitch, I'm ready to die. I put on the trigger, got blood on my saddle. Fuck, is she okay? No, I'm just a psych. Deranged out the gate. It's always been my fate. Left sick and riding pain. Ruby pumping shot. Crucified in time. Young Christ risen out the concrete. La substance se trouve toujours dans le froc. Nous, on veut de l'or, faut que tous les porcs. Après la vie, vient la mort. Pleure pas si je meurs, ma chérie, mi à mort. Double killa, double, double killa. Double killa, double, double killa. Double killa, double, double killa. Double killa. Double, double killer. Double, double killer. T'es bête et j'ai ma fille Akila. Jamais qu'ils ne fassent pas trop les gueudins ou je vais les siroter comme de la tequila. Oupa, d'où est l'argent? Ballon, moi qui est vite cherché. Oupa, whipping, papa, les nous, six sous. Oupa, ni assez. C'est SK12. En cougna, maman, maman. En pack à check, ma sissi. Si tu veux quelque chose, envoie les pesos, sauce. C'est comme ça qu'on fait ici. En calimé, y'avait flamme. En cas coupé, y'avait l'âme. Dis-moi combien ouvrez gramme ou j'accepte que c'est la bonne cam. Double skunk, j'fume un double skunk. Appelle vite les keufs, j'fais illégal dans le club. Dans ma troupe, y'a que des arnaqueurs. Dealer charbonneur, la plupart n'ont pas de cœur. J'me descends donc j'additionne, j'la vends et j'la consomme. N'hésite pas si t'en veux, viens pécho, ici c'est les sols. Double killa, mes négros te killa, Niamayaka, sinon les lots on colle les là. J'suis posé, j'suis avec mes pirates. On les baisse tous, c'est pas un miracle. La substance se trouve toujours dans le froc. Nous, on veut de l'or, fuck tous les porcs. Après la vie, vient la mort. Pleure pas si je meurs, ma chérie, mi à mort. Double killa, double, double killa. Double killa, double, double killa. Yes, you go. Double killa, double, double killa. Reta, reta. Double killa. De belle killa. En liquide, on sent les papas. Papa sur ta clique, les baffles de ton corps. Rester une mévère, je connais pas la chanson. C'est pas matozoïde, c'est pas la tour. On sent les glocks, glocks. Viseur cop, la frappe dans son bloc, bloc. La potion magique dans mon raid, top. J'étais dans le viseur qui pio head, top. Wesh, négro, dis-moi ce qu'il faut. La belle, la CC ou de l'héros. Non, viens pas faire le héros. Si tu perds tes coraux, ne fais pas les terreaux. Double motherfucker. Matos dans le rock. Dans l'or, on veut croquer pour des. Sous on va descroquer. Plus puissant comme personne. Ramène mes sous comme Anderson. Jacques ne copie pas, moi je sais faire seul. Je baisse des rappeurs dans un linceul. Me balade, je slalom. Ces faux rappeurs me font des accolades. BTG s'apprête à décoller. On est les meilleurs bébés sans déconner. Les MC ont l'air traumatisés. Négro, trop de teutés sur qui viser. Les négros sont peu scolarisés. Ego, beaucoup de clés sur qui viser. Équipé de calibre, de gros sabres. Beaucoup sont en descente, je constate. Reta, souverainisé comme jamais des qui vend des gros sacs. La substance se trouve toujours dans le froc. Nous, on veut de l'or, fuck tous les porcs. Après la vie, vient la mort. Pleure pas si je meurs, ma chérie, mi à mort. Double killa, double, double killa. Double killa, double, double killa. Yes, you go. Double killa, double, double killa. Reta, reta. Double killa. Double, double killa. Pa-pa-pow! Work hard music, it's so good. BTG Mafia killa. Le reste on les kill. Ouais, ouais, ouais, ouais. Hey yo. Banks. Hey yo. Banks. On est tous au pays, ouais, on fait les jazz quand il le faut. Quand il le faut. J'm'arrête courir après l'oseille, seulement après le million d'euros. Après le million d'euros. J'roule la skunk et vide la taille. Day. Ferme ta gueule et vide la caisse. Caisse. Et puis retourne-toi, j'veux voir tes fesses. J'te ferai vivre un enfer comme si j'étais Hadès. Comme si j'étais Hadès. On est tous au pays, ouais, on fait les jazz quand il le faut. J'm'arrête courir après l'oseille, seulement après le million d'euros. Après le million d'euros. J'roule la skunk et vide la taille. Day. Ferme ta gueule et vide la caisse. Caisse. Et puis retourne-toi, j'veux voir tes fesses. J'te ferai vivre un enfer comme si j'étais Hadès. J'manie le flow avec facilité. Combien de vos ex nous ont félicités? Faire trop de feat, aucune utilité. Tu casses les couilles comme un keuf qui vient palper. J'suis dans la planche, compte ma monnaie. J'suis dans les temps, pas dans le pas. Passé, yeah. Passé, yeah. Dépassé, yeah. Au fond ils savent qu'on va les froisser. Hey, on est posé dans le bench, mes négros attendent le jour de paye. Le jour de paye. Oui, y'a de la maille à faire, en effet y'a de la maille à faire. De la maille à faire. El Chapo détaille la quête, quête. On s'en fout que les flics enquêtent, quête. Oui c'est inquiétant, quête. J'm'en bats les couilles, j't'éclate mon pétard, pétard. On est tous au P, ouais, on fait les jazz quand il le faut. Quand il le faut. M'arrête courir après l'oseille, seulement après le million d'euros. Après le million d'euros. J'roule la skunk et vide la taille. Ferme ta gueule et vide la caisse. Caisse. Baby, retourne-toi, j'veux voir tes fesses. J'te ferai vivre un enfer comme si j'étais Hadès. On est tous au P, ouais, on fait les jazz quand il le faut. J'm'arrête courir après l'oseille, seulement après le million d'euros. Après le million d'euros. J'roule la skunk et vide la taille. Ferme ta gueule et vide la caisse. Caisse. Baby, retourne-toi, j'veux voir tes fesses. J'te ferai vivre un enfer comme si j'étais Hadès. J'suis pas Christo, mais passe mon dans la kitsch. J'baisse les yeux devant la daronne, mais pas les flics. Je crois en Dieu, alors force les triple six. Oui, j'ai caché du taga dans le soutif de ma biche. Dans son trou, j'ai émis ma biche. J'vais remplir mes poches de billets verts comme la huile. Racher l'angle de mon pen dans la bouche de Marine. Rouler sur les champs dans un putain gros bolide. Mon café de l'osé, vas-y, dis-le à Freezer. J'traîne qu'avec des killers et des dealers. Au fond, mon bex avec un putain de bunker. Dans club sous Zébel, fais le videur. Argent égale pouvoir. Boucaf, j'te dis au revoir. Argent égale pouvoir. Boucaf, j'te dis au revoir. On est tous au P, ouais, on fait les jazz quand il le faut. Quand il le faut. J'm'arrête courir après l'oseille, seulement après le million d'euros. Après le million d'euros. J'roule la skunk et vide la taille. Ferme ta gueule et vide la caisse. Caisse. Dis retourne-toi, j'veux voir tes fesses. J'te ferai vivre un enfer comme si j'étais Hadès. On est tous au P, ouais, on fait les jazz quand il le faut. Quand il le faut. J'm'arrête courir après l'oseille, seulement après le million d'euros. Après le million d'euros. J'roule la skunk et vide la taille. Ferme ta gueule et vide la caisse. Caisse. Et puis retourne-toi, j'veux voir tes fesses. J'te ferai vivre un enfer comme si j'étais Hadès. BTG Mafia Killa, BTG Mafia Killa. Le reste on les kille. Ouais ouais ouais ouais. Hey yo. Ouais ouais ouais ouais. Hey yo. J'aime la maille et la weed, la maille et la weed, la maille et la weed. Sur la vie de ma vie, la vie de ta vie, la vie de sa vie. La détente, je caresseux. Pose des gélères paresseux. Y'a du pilon et de la beuh. On est posé à ce zeu. J'suis foncé tous les soirs, j'rêve de thunes, pas de portoricaine. Ma vie guide ma voix, j'me dévoile mais j'suis pas là pour plaire. J'cogis devant ma feuille, j'ai trop de choses à te dire. Chérie t'as qu'à venir, viens on roule un deux feuilles. J'suis un mec de la night, préfère rester au tiers car que m'barrer en boîte. Fausse des tout de ma life, du souffle à fumer et à boire. La réalité nous dépasse, d'ailleurs mon âme est bloquée dans l'espace. Toute chose à son temps et toute chose à sa place. J'vis ma vie dans la tienne, j'prendrai pas d'espace. J'suis matrixé, j'suis pas comme eux. J'suis mystérieux, j'suis paresseux. Mes cicatrices, je caresse. La détente, je caresse. J'veux des liasses dotées d'une grande épaisseur. Sur la vie de ma mère et sur la vie de ma sœur. Taga, taga, taga. Pilon veut mon gars, j'suis fire. Ouais, ouais, ouais, ouais. J'débarque avec mes gars, hey ya. Ouais, ouais, ouais, ouais. Tu veux ta dose, ramène les euros. J'aime la maille et la weed, la maille et la weed, la maille et la weed. Sur la vie de ma vie, la vie de ta vie, la vie de sa vie. La détente, je caresseux. Fonce des gélères paresseux. Y'a du pilon et de la beuh. On est posé à ce zeu. J'aime la maille et la weed, la maille et la weed, la maille et la weed. Sur la vie de ma vie, la vie de ta vie, la vie de sa vie. La détente, je caresseux. Fonce des gélères paresseux. Y'a du pilon et de la beuh. On est posé à ce zeu. On le vient que par les billets. Tout ce qu'on veut c'est faire de la monnaie. On se moque de la weed et vider. Attends le jour de paix pour crier oh happy day. J'aime la maille et la weed. J'aime aussi les Antillaises. Si tu me dois un yebi, ramène la banque, je m'en souvienne. On est dans la planque everyday. On roule des bleus et on compte nos sommes. Taga taga, tu veux prendre mon phone. Me parle pas d'âme mon chéri, t'es trop conne. J'veux qu'elle soit ma biche everyday. Et que ta meuf le devienne aussi. Gros nous laver, ça c'est pas possible. Change de flow comme Izzy, change de biche. Pilon, pilon, mais j'fais le mélange. Royal, royal, royal. Nous parle pas de vide, on aime pas trop se mélanger. Hey yo, bang. On a une longueur d'avance. sont dans le passé. J'aime la maille et la weed, la maille et la weed, la maille et la weed. Sur la vie de ma vie, la vie de ta vie, la vie de sa vie. La détente, je caresse. Grosse DG, l'air paresseux. Y'a du pilon et de la beuh. On est posé à ce zeu. J'aime la maille et la weed, la maille et la weed, la maille et la weed. Sur la vie de ma vie, la vie de ta vie, la vie de sa vie. La détente, je caresse. Fonce des gélères paresseux. Y'a du pilon et de la beuh. On est posé à ce zeu. Work hard music, it's so good. Tu serais plein gros. Ouais, tiens ma gueule. Eh gros, tu sais pas là, bah, elle me casse trop les couilles, j'ai juré gros. Casse les couilles. Eh gros, elle me casse les couilles gros. Je sais pas, elle me raconte quoi gros à Marseille, ça j'aime pas, il te la répond, mais la tête toi. Casse les couilles. Ça me la vidéo. Fuck. Je réponds pas à ses messages, je réponds pas à ses appels. Elle pète un bleu car elle se demande que fait son gars. Elle est sûre que je la trompe chaque demi-seconde. En plus elle sent loin de moi. Je la vois une fois par mois. Entre nous y'a de la distance. Donc elle pense que je vais voir ailleurs. Ces temps-ci je suis distant. Elle constate que j'ai d'autres meufs dans le viseur. Mais le truc c'est que je suis dans l'illégal. Je fais mon bif dans l'immédiat. Biz dis-lui qu'on aime trop le bif. Biz dis-lui qu'on gère le biz. Oh la skirt. J'roule un gros pur de beuh. Elle me dit qu'elle aime pas quand je fume. Sale pute. Putain elle me saoule. Elle me dit que je suis plus le même depuis que j'ai du beuh. Sale pute. J'roule un gros pur de beuh. Elle me dit qu'elle aime pas quand je fume. Sale pute. Putain, elle me saoule, elle me dit que je suis plus le même depuis que j'ai du buzz. Yeah. J'ai pas cassé du sucre sur ton dos, vu que tout le monde est déjà passé dessus. Partout où je vais, elle me suit. Sale pute que je félicite quand elle me suce. Elle croit qu'elle a trouvé le bon gars, que je vais pas l'agresser. Je roule de très gros pétards, le doigt sur ma braguette, je crois qu'elle est déjà pressée. Je vais pas me répéter, je la quitte après l'avoir pété. Elle me dit que son petit cœur est blessé, à force de se faire prendre dans les WC, je ne pense qu'à encaisser. Sale pute entasse les dossiers, de quoi même remplir un PC. Fille facile comme ABC, elle finit ABC, y'a des putes à baiser. J'roule un gros pur de beuh, elle me dit qu'elle aime pas quand je fume. Sale pute. Putain, elle me saoule, elle me dit que je suis plus le même depuis que j'ai du beuh. Sale pute. J'roule un gros pur de beuh, elle me dit qu'elle aime pas quand je fume. Sale pute. Putain, elle me saoule, elle me dit que je suis plus le même depuis que j'ai du beuh. Sale pute. Yeah. Hey, un bitch, roule mon blunt. Reste tranquille, laisse-moi skate. J'suis pas le prince charmant, ça tu le sais. Prince dealer, j'aime trop la monnaie. Y'a que son boule qui m'a enlevé. Elle me raconte sa vie, moi je l'écoute pas. Yeux dans les yeux, j'suis défoncé. C'est pour les yébis qu'on se couche tard. Illégal ou légal, c'est la même, c'est la même. Je te dis pas, je t'aime, puis j'ai la flemme, j'ai la flemme. T'es bonne, mais t'es conne, donc j'te la mets, j'te la mets. Illicite la vie que l'on mène, life. Elle me kiffe grave, me rafale de messages pendant que j'bique grave, pendant que j'bique grave. Putain, les crânes, vas-y, j'reroule à Ouka. J'roule un gros pur de beuh, elle me dit qu'elle aime pas quand j'fume. Sale pute. Putain, elle me saoule, elle me dit que je suis plus le même depuis que j'ai du beuh. Sale pute. J'roule un gros pur de beuh, elle me dit qu'elle aime pas quand j'fume. Sale pute. Putain, elle me saoule, elle me dit que je suis plus le même depuis que j'ai du beuh. Sale pute. Clap de l'héroïne, on a tout ce qu'il veut. Du shit de la cocaïne, on a tout ce qu'il veut. Juste pas de la codéine, dis-moi si t'en veux. Tu veux nous voir à terre, t'as qu'à faire un peu. Ils parlent sur nous, mais on s'en fout d'eux. Joue pas trop les shows, tu vas pas faire long feu. Nous on parle en chiffres et veste qu'il est bleu. Mes négros sont parés pour ouvrir le feu. Tu veux la cocaïne, dis-nous si t'en veux. Rempli comme un putain de verre de lime et le cul tareuse. Chérie, j'aime bien ta copine, donc je vous prends à deux. Les deux majeurs en l'air, oui, nous c'est comme ça qu'on salue les bleus. Polos égale Pookie, tu dois doser, tu fuis. Mais on te retrouvera, c'est promis. Juré sur la vie de mon Uzi. Elle m'a appelé barbare, vu que ma troupe est longue. Dans mon froc y'a des carambars et des putains de carambeux. Ils voient que le niveau s'élève. 22, y'a plus de level. Celui qui joue les rebelles va rentrer dans son quartier tel une belle. Calage, crimi, dealer, qu'il faut tout ravaler, vuleur. Des fois j'ai des sauts d'humeur, une envie de fumer ceux qui jouent les dealers. Si t'en veux, viens par là et fais ton vœu. Ici ça bip bien en quantité, à répétition on coupe pas la part en deux. Pour faire la guerre on n'est pas 42. La plupart de mes négros sont barreaux. T'allumes pour un tarot, financièrement t'es donne pas si ça t'arrose. Clap de l'héroïne, on a tout ce qu'il veut. Du shit de la cocaïne, on a tout ce qu'il veut. Juste pas de la codéine, dis-moi si t'en veux. Tu veux nous voir à terre, t'as qu'à faire un peu. Ils parlent sur nous, mais on s'en fout d'eux. Joue pas trop les shows, tu vas pas faire long feu. Nous on parle en chiffres, et veste qu'il est bleu. Mes négros sont parés pour ouvrir le feu. C'est SK2J mais oublie pas le Z. On te soulève comme un YZ. Énervé comme si j'avais la boule à Z. C'est pour mes chimales, mes maliens, mes Z. Potos décompressés, films de la Z. Ils font les foulecs mais ils savent bien qu'on les aime. Je représente le 92. Négro, je suis trop loin et je vois pas où vous êtes. On est déterminés comme des soviets. Habillés tout en black ou en survêt. On fait des sous comme des vendeurs à la sauvette. Tu peux crier à l'aide mais personne va te sauver. J'ai les yeux verts quand j'ai des liasses de sang. Le joint est allumé, normal que ça sent. Soit on est ensemble mais pas dans les deux sens. Si je te monte en l'air, tu vas jamais redescendre. Je veux des liasses dotées d'une grande épaisseur sur la vie de ma mère et celle de ma sœur. Mes cicatrices, je caresseux. La cachette, je caresseux. Je suis mystérieux et je suis paresseux. Y'a du pilon de la beuh pour tous ces bolosseux. Sur vêtements, la coche, je suis capuché. Dents en or, je suis frais, je suis trop branché. Suffit d'une balle pour un sommeil éternel. Bad boy, on est depuis la maternelle. Ma belle, je te laisse, j'ai reçu un appel. On peut te démarrer pour un rien. On peut te démarrer pour un tout. Je ne comprends pas, ma beuh est verte. Pourtant, c'est les bleus qui me tournent autour. La beuh de l'héroïne, on a tout ce qu'il veut. Du shit de la cocaïne, on a tout ce qu'il veut. Juste pas de la codéine, dis-moi si t'en veux. Tu veux nous voir à terre, t'as qu'à faire un peu. Ils parlent sur nous, mais on s'en fout d'eux. Joue pas trop les shows, tu vas pas faire long feu. Nous on parle en chiffres, et veste qu'il est bleu. Mes négros sont parés pour ouvrir le feu. PTG Mafia Killa. Le reste on les kill. C'est pas fini, bande d'enfoirés. Charbonne pour la maille. Trozac toute la night. Rolling sur la taille. Mille l'oseille sur la table. Charbonne pour la maille. Transac toute la night. Rolling sur la taille. Mille l'oseille sur la table. Charbonne pour la maille. Trozac toute la night. Rolling sur la taille. Mille l'oseille sur la table. Charbonne pour la maille. Transac toute la night. Rolling sur la taille. Mille l'oseille sur la table. Jaco les laisse un peu de temps, ils ont pas su garder l'opportunité. Y'a pas qu'on mate qu'on résout, au quartier le djibal à l'unité. L'agressivité vient d'ici, donc faudra sentir en sécurité. Même si tu racontes ta vie, nous on s'en bat les colons. Ton rap n'a aucune utilité. Quand le brolique se comporte, la mélodie peut varier. 2-7-0, t'as la tresse, tu pourras jamais nier. Les négros sont alignés, la pièce est fort parfumée. Je deviens fou quand le mélange est fait dans la cristalline. Faut que tu payes l'addition, sinon on te fera subir des opérations. Tu fais blair, t'as une réputation. Que du bluff, t'es en dégradation. Toujours nié à l'interrogation. Devant le machin, tu pues la transpiration. Lors du crime, respecte la ponctuation. Mes gars sont dans le pâte, mais c'est pas des maçons. J'suis dans la zone avec mon bédo, j'me balade. 20 millions clés égale un bénéf de malade. J'ai les mains sales, j'coupe la cam. Tu croyais qu'on s'était séparés, t'es un malade. Si tu fais le show, tu finiras dans le congélateur. C'est la congélateur. Moi, y'a que l'argent qui peut combler mon cœur. Charbonne pour la maille. Trozac toute la night. Rolling sur la taille. Mille l'oseille sur la table. Charbonne pour la maille. Transac toute la night. Rolling sur la table. Mille l'oseille sur la table. Charbonne pour la maille. Trozac toute la night.

turn. Pocket got fatter, she call me daddy. Smoking that gas, got all that zany, she on the powder. Nowadays, I am on my head, I got sadder. Money got longer, speaker got louder, car got faster. Turned to a savage, pocket got fatter, she call me daddy. Smoking that gas, got all that zany, she on the powder. Nowadays, I am on my head, I got sadder. Money got longer, speaker got louder, car got faster. Money so old, dollar spoiled. Yeah, my little bitch so spoiled. Yeah, I rub her down in oil. Yeah, I got money now, you know it. Yeah, diamonds on my tooth. Yeah, yo shit look like foil. Yeah, Chris Brown said these hoes ain't liar. None of these hoes got no moral. Turned to a savage, pocket got fatter, she call me daddy. Smoking that gas, got all that zany, she on the powder. Nowadays, I am on my head, I got sadder. Money got longer, speaker got louder, car got faster. Turned to a savage, pocket got fatter, she call me daddy. Smoking that gas, got all that zany, she on the powder. Nowadays, I am on my head, I got sadder. Money got longer, speaker got louder, car got faster. Turned to a savage, pocket got fatter, she call me daddy. Smoking that gas, got all that zany, she on the powder. Nowadays, I am on my head, I got sadder. Money got longer, speaker got louder, car got faster. All of this is faction, no time for acting. All this money last night, like go out to eat, get that black inside mine. When I'm with my girl, we forever fast drive. Wait, huh? Then I mean we are not last time. In that pussy, you know I like it right. Then I'm just blasting. Yeah, tell that little bitch that I'm really from Mars. Yeah, bitch, when I start. Yeah, pull up my car automatic. Yeah, done with the start. Yeah, do not matter. Turned to a savage, pocket got fatter, she call me daddy. Smoking that gas, got all that zany, she on the powder. Nowadays, I am on my head, I got sadder. Money got longer, speaker got louder, car got faster. Turned to a savage, pocket got fatter, she call me daddy. Smoking that gas, got all that zany, she on the powder. Nowadays, I am on my head, I got sadder. Money got longer, speaker got louder, car got faster. I should've never ever took her home. No. Yeah, I should've just blown. What? Yeah, fantasy on my phone. Yeah, hit it from the back, watch a nigga bless you. Yeah, crying in my arms like a nigga wrecked you. Talking about a broken heart, running to the restroom. Yeah, look at my mama chip like we rich. Yeah, look at my bitch like we rich. Said we ain't got no money, said best. Counting all that money, told that nigga just to bet that. I know that you ain't got it, boy, why you ain't just say that? They see I got that money, now it's bitch, like I said that. I don't pay that hoe no mind, I been had that. When I saw my girl, yeah, you know I had to back that. Yeah. And before me, four niggas, yeah, they had that. Five niggas including me, I had to back. Try to diss me, I take it to your family. Yeah. I for your sister, then make sure that she vanish. Yeah, alright. You was right, I was wrong. Yeah, I should've never ever took her home. Yeah, I should've just bombed. Yeah, fantasy on my phone. Yeah, hit it from the back, watch a nigga bless you. Yeah, crying in my arms like a nigga wrecked you. Talking about a broken heart, running to the restroom, yeah. Yeah, alright, you was right, I was wrong. Yeah, I should've never ever took her home. Yeah, I should've just bombed. Yeah, fantasy on my phone. Yeah, hit it from the back, watch a nigga bless you. Yeah, crying in my arms like a nigga wrecked you. Talking about a broken heart, running to the restroom, yeah. Even though we in the same room, you just locked the door, so I gotta text you. Like, bae, unlock the door, gotta use the restroom. Like, I don't wanna war, wanna caress you, yeah. Yeah, alright, you was right, I was wrong. Yeah, I should've never ever took her home. Yeah, I should've just bombed. Yeah, fantasy on my phone. Yeah, hit it from the back, watch a nigga bless you. Yeah, crying in my arms like a nigga wrecked you. Talking about a broken heart, running to the restroom, yeah. Love out. Okay. I know you want this for life, taking pictures with all my eyes, but I can't have no wife, I just want you for the night. I know you want this for life, taking pictures with all my eyes, but I can't have no wife, I just want you for the night. I know you want this for life, fuck you so good, you be calling out the cries. Bottles of the tech, got it laid on ice. We spent four seasons at the Four Seasons twice. You be calling all your homegirls like I'm his wife. Hell nah, you tripping, reevaluate your life. I can't love no bitch, every single hoe is trife. Add some dirty Sprite just to get me through the night. But I need you there, promise that I need you there. Ain't no other bitch gon' fuck me like you do, I swear. Put that on my gang, I swear. I just can't put you on front and like you wanna know. But baby, you is not no hoe. And I put it on my gang, I'm not no average Joe. It's Yachty from the block, you know. I know you want this for life, taking pictures with all my eyes, but I can't have no wife, I just want you for the night. I know you want this for life, taking pictures with all my eyes, but I can't have no wife, I just want you for the night. Don't you tell no one. No, baby, don't you tell no one. We gon' keep this just between us, we gon' have some fun. Fucking till the morning come. When the morning come, I'll make you come, but then I gotta run. Cause baby, I got shit to do. Stack my bread up, fuck your head up, that's just what I do. Chillin' on my avenue. If you remember, I remember, girl, that's where I first met you. You had you a drink or two. You came over half and sober, calling me your boo. Then you turned around and fucked the crew. I got no love for you. I can't have no wife. One Watch it fall slow.